musique. Mais tout d'abord, la plume de Thomas Gunzig. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors, nous le savons, l'important aujourd'hui, c'est l'emballage plus que l'emballé. Vous vendrez plus aisément une crotte de lapin emballée dans de la soie qu'un diamant dans un Tupperware. Et d'ailleurs, moi-même, pour faire oublier la vacuité de ce que je raconte matin après matin sur cette antenne, je sais qu'il est important d'afficher ce style élégant de lord anglais se préparant pour une chasse à cour. En politique, c'est la même chose. La communication, le marketing, le merchandising ont plus de valeur que les idées, ce qui implique que, comme nous l'avons remarqué, quand vous n'avez rien à dire, l'important c'est de le répéter souvent. Comme il est alors compliqué, dans cette Belgique où le pouvoir n'appartient jamais à personne, de faire croire, lorsqu'on est élu, que sa voix compte vraiment, que l'on est un décideur, que l'on possède une capacité d'influence, alors qu'en fait, dans notre petit pays de sangliers et de ruminants, de pluie froide sur une mer grise et de vent dans les sapins, l'immobilisme est la norme et les changements sont des accidents. Coincé entre la France, la Hollande, le Luxembourg et l'Allemagne, il est une terre humide où ceux qui aimeraient décider de tout, se rendant compte qu'ils ne peuvent décider de rien, font semblant de décider de quelque chose sans que ça ne change jamais rien. La politique y est une comédie absurde où des partis sans majorité fabriquent des gouvernements sans compétences pour des ministres sans pouvoir. Bah. Le 11 février, Elio Di Rupo, ministre-président wallon, a posté un statut sur Facebook et Twitter. Il s'agissait de la photographie d'un post-it jaune sur lequel il était écrit « Réouverture des boîtes de nuit, 18/2, fait ». Le mot « fait » étant souligné d'un trait bien droit et bien vif pour souligner la qualité de l'accomplissement. Il est vrai que cette réouverture est un moment important. Elle vient couronner une série de victoires fondamentales, la fin de la pandémie dont nous sommes tous sortis la tête haute grâce à une gestion exemplaire, le retour de la croissance en Wallonie, le refinancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'aboutissement de grands travaux protégeant les habitations des inondations, la revalorisation du métier d'enseignant et du personnel soignant, le ménage fait dans les intercommunales et à présent que la Wallonie est devenue une région aussi prospère qu'un canton suisse, on peut sans rougir mettre en avant des victoires qui sont des victoires personnelles, arrachées de hautes luttes seules contre tous. L'ouverture des boîtes de nuit. Et on peut mettre ces victoires en avant avec toute la spontanéité provoquée par l'allégresse. À propos de spontanéité, sur la photographie et entourant le post-it, se trouve négligemment posé en éventail un exemplaire du magazine Wilfried de novembre 2019 qui consacrait un article sur Elio Di Rupo. La disposition permet d'apercevoir le nom d'Elio Di Rupo tout en cachant ceux de Zaka Katabi et Louis Kotobak qui se trouvaient dans le même numéro. Sans doute, ce magazine traînait-il justement là, par hasard, dans le grand désordre romantique propre aux hommes d'État. Et sous ce magazine, un livre de photographie consacré à la ville de Mons, « Ma ville », se dit souvent le ministre-président en appuyant sur l'adjectif possessif. À gauche, sur un porte-document vide, il y a le célèbre nœud papillon d'Elio. Et puis, sur le marbre clair du bureau, jeté d'un geste que l'on imagine exécuté avec cette fermeté joyeuse propre au devoir accompli, il y a le bic. Non, les amis, tout ça ne relève pas d'une maladroite mise en scène. Essayons de nous faire croire que cette ouverture des boîtes de nuit est l'œuvre d'un seul homme, un homme qui, après avoir durement travaillé, jette son bic, enlève son nœud papillon, note sa victoire sur un post-it afin de ne pas oublier qu'il est de la race des gagnants, et puis, enfin, lit un vieil article qui lui est consacré parce qu'il est toujours bon de se souvenir qu'on est formidable. Non, cette photo prise sur le vif nous permet de surprendre l'homme dans l'exercice de ses lourdes responsabilités. Nous sommes ici dans l'intimité du pouvoir. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'une dizaine de jours plus tôt, le président français Emmanuel Macron postait un tweet sur le compte officiel de la présidence. Il s'agissait d'une photographie, celle d'un bureau où se trouvaient quelques livres, un livre d'Hélène Carrère-Dancausse, des siècles d'immortalité consacré à l'Académie française, les mémoires du général de Gaulle en édition de la Pléiade, un exemplaire du livre Espéré pour la France du résistant Hubert Germain, un exemplaire du manga One Piece soulignant la jeunesse d'esprit du président, une montre LiPe au bracelet bleu, blanc, rouge traduisant son attachement à l'industrie de son pays, il y avait là aussi un bic jeté d'un geste qu'on imagine posé avec cette fermeté joyeuse propre au devoir accompli, et au centre là aussi un post-it jaune collé sur le cuir du bureau avec écrit ouverture du pass vaccinal aux 15, 16, 17 ans, fait, le mot fin étant souligné d'un trait bien droit, bien vif pour souligner la qualité de l'accomplissement. Ah bon sang, notre ministre président tel un cancre aux examens a donc copié sur un autre. Les amis, le plus grand malheur de la politique ce n'est pas le manque de courage, ce n'est pas le manque de moyens, moyen, c'est le manque d'imagination. Bonne journée à tous. Ouais, d'un côté, on avait Charles de Gaulle et la Pléiade et l'Académie française, et de l'autre, des photos de la ville de Mons. Hein. Chacun son registre, évidemment. Merci pour ce décodage de la communication politique. Thomas Gunzig, on vous retrouve sur ovio.be et sur la page Facebook de La Première. À la semaine prochaine, Thomas. Il est 8h27. Matin.